France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Entre 1979 et 1981, 28 enfants noirs furent retrouvés morts étranglés dans la ville d'Atlanta, aux États-Unis. Le rédacteur en chef du magazine Playboy proposa à l'écrivain James Baldwin d'enquêter sur cette affaire. Peu après, un jeune homme noir de 22 ans, Wayne Williams, fut arrêté, jugé et condamné à la prison à vie, alors même que les preuves rassemblées pour démontrer sa culpabilité étaient plus que ténues. James Baldwin écrivit plusieurs articles à ce sujet, puis un essai, publié aux États-Unis en 1985, sous le titre « The Evidence of Things Not Seen », littéralement « La preuve des choses non vues ». Une référence à un extrait de l'épître de Paul aux Hébreux, « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une preuve de celles que l'on ne voit pas ». Le livre fut traduit en français la même année et parut sous le titre nettement plus plat de « Meurtres à Atlanta ». En lieu et place de la culpabilité de Wayne Williams, Baldwin y interrogeait la responsabilité du peuple américain dans la place assignée aux Noirs. « La situation des Noirs dans ce pays, écrivait-il, constitue à elle seule un acte d'accusation à l'encontre de l'histoire juridique et éthique de l'Amérique. » Ce fut le dernier essai publié du vivant de l'auteur, qui mourrait 2 ans plus tard. Le 4 novembre 1985, il était l'invité d'Eliane Contini dans Agora pour parler de ce livre. James Baldwin, vous êtes mon invité aujourd'hui pour un récit que vous venez de publier chez Stock, ou du moins la traduction française, qui s'appelle « Meurtre à Atlanta ». Le titre original traduit textuellement en français serait « L'évidence des choses non vues ». Et on verra que voilà. C'est bien le sens de ce livre. Oui. Ce récit, c'est le récit « Vous êtes allé enquêter à la demande du magazine Playboy ». Vous avez fait une enquête journalistique à Atlanta, justement sur cette série de meurtres d'enfants noirs. Il y a eu 28 enfants qu'on a trouvés assassinés. Dans des ruisseaux ou dans des bois, assassinés d'ailleurs de manière différente, pas tous de la même manière. Il n'y avait pas non plus apparemment d'attentats sexuels et on ne pouvait pas expliquer ces meurtres. Et puis, on a arrêté un jeune adulte qui s'appelle Wayne Williams. Et lui, il avait commis, ou il était censé avoir commis, 2 crimes, non pas d'enfants, mais 2 crimes de 2 adultes. De 2 meurtres. Oui. Et on a décidé qu'on allait lui attribuer également donc les meurtres de ses 28 enfants, sans vraiment avoir de preuves. Voilà. Alors c'est, j'allais dire, presque le prétexte de votre livre, puisqu'on est pris tout au long de ce livre par l'histoire de ce meurtre, par votre enquête, c'est-à-dire qu'il y a toujours comme un suspense, c'est un peu comme une histoire policière, et bien sûr, à travers cette histoire, il y a toute une série de digressions que vous faites, où vous vous laissez aller, bien sûr, à tout ce qu'a été toujours votre pensée et votre recherche, hein, puisqu'il faut dire que vous êtes fils d'une famille pauvre, américaine, vous êtes né à Harlem, en 1924, c'est ça? Oui, le premier des 9 enfants. Le premier de 9 enfants, d'un père pasteur. Voilà. Et vous avez été toujours, bien sûr, témoin de toute cette injustice qui a frappé de tout temps votre race, on peut l'appeler ainsi, à travers l'Amérique. Et une Amérique qui, par ailleurs, a une idéologie qu'on appelle libérale, une idéologie aussi qu'on appelle égalitaire, et qui d'ailleurs avait couronné et bien accueilli tout de suite votre premier livre quand il est paru. Oui. C'était Les élus du Seigneur. C'était en 1957, ce livre est paru en France. 53 aux États-Unis. 53 aux États-Unis, et vous aviez déjà obtenu un important prix littéraire en 56, je crois. Oui, c'est ça. C'était la bourse du Partisan Review. Oui, voilà. Alors, depuis d'ailleurs, vous avez vécu un certain nombre d'années en France. Je suis venu en France, au fait, en 48, le 11 novembre, et vécu ici jusqu'en 1952, quand j'ai fini le roman, le premier roman. Et là, j'ai quitté Pône, je suis allé à New York, surtout pour le montrer à ma soeur cadette, qui était née le jour que notre père était mort, et que moi j'ai nommé. Et j'ai écrit, d'une certaine manière, j'avais écrit des livres pour elle, parce qu'il a fallu que je quitte l'Amérique, elle, quand elle avait 5 ans. Et on ne peut rien expliquer à un gosse de 5 ans. Donc, je suis revenu avec le livre, surtout pour elle. Avec quel livre? Les élus du Seigneur? Avec les élus du Seigneur. Oui. Et j'ai vendu, finalement. Et d'une certaine manière, le pire était passé. Ouais. Et je crois que dans ce livre, Les élus du Seigneur, votre idée, c'était qu'en fin de compte, il fallait s'en remettre à Dieu, que Dieu allait, d'une certaine manière, récompenser ceux qui ont tant souffert. Pas exactement cela, non. Non, non, non, le livre était l'histoire d'un garçon qui se trouve... Enfin, il était en train d'être changé par son histoire sans se rendre compte. À 14 ans, on n'a pas une histoire. Mais l'histoire de son père, sa mère, sa tante... Il prend conscience de l'ensemble de son histoire. Il commence, à la fin de, surtout à la fin de, sûrement à la fin du livre, il commence de se rendre compte d'où il sort. C'est une espèce de réconciliation, ou plutôt une rencontre. Il se rend compte de quelque chose. Une rencontre avec lui-même. Avec lui-même. Sous le guise du vœu de Dieu. Dans le langage dans lequel il était né. Dans le cadre dans lequel il était né. Mais c'est-à-dire l'Amérique. Non. Harlem plutôt. Oui. Amérique, bien sûr. Bien sûr. Mais là, il n'est pas conscient de cela encore. Harlem, oui. Et son passé direct, c'est-à-dire le maire, le père, le grand-père, etc. etc. C'est cette rencontre qui finit le livre. Avec cette rencontre, on espère qu'il peut vivre. Oui, c'est pour cela aussi que vous l'avez adressé à votre petite sœur qui ne comprenait pas encore. Oui, oui. Bon, alors à partir de là, et tout au long de votre vie, vous avez été, et vous êtes toujours, quelqu'un qu'on a appelé un pamphlétaire prophétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pamphlétaire, je ne sais pas, prophétique, je ne sais pas. Moi, d'après moi, ce n'est pas une question d'être prophétique. Il me semble très, très, très simple. Si on regarde quelque chose en face, c'est comme si tu es en train d'élever un enfant. Si tu fais celle-ci, cela va t'arriver. Ce n'est pas une question d'être prophétique. Oui. C'est la vie, tout simplement, non? Et d'ailleurs, à propos de cela, j'avais cité une des premières pages de votre livre. Vous écrivez « Des fois, je m'imagine, me disait un enfant d'Atlanta, que je rentre d'une partie de foot ou de baseball et un type s'amène derrière moi en voiture. Et je suis jeté dans le coffre de la voiture. Et il fait sombre, et la voiture démarre dans la nuit et on ne me retrouvera plus jamais. On ne me retrouvera plus jamais. Cette terreur est plus forte que la peur de la mort. Tandis que l'enfant me parlait, je tentais d'imaginer le silence ouaté du coffre, l'obscurité, la voiture qui accélère, la route sinueuse. Je m'efforçais de me mettre à la place de l'enfant. Ma mémoire refusait de reconnaître que cet enfant, c'était moi. Oui, cet enfant, c'était moi. Et votre livre commence comme ça, d'une manière très belle, justement, sur le problème de la mémoire. Quelque chose que l'on veut oublier et qu'on ne peut jamais oublier. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose aussi que vit, j'imagine, l'ensemble de la communauté noire? Je crois, d'une certaine manière, c'est le sort de tout le monde. Tout le monde a ce problème. A ce problème, cette réalité. Et peut-être... Ça risque d'être plus visible aux plus urgents chez la communauté noire parce que nous sommes beaucoup plus menacés quotidiennement de toute façon et historiquement. Donc, la mémoire dont je parle, c'est pas uniquement la mémoire d'un type de moi-même, par exemple, dans ma vie, mais aussi la mémoire de mon père, les choses à peine entendues, les choses que j'ai compris plus tard. Comme mon père n'était pas en train de parler avec moi, mais parler avec ses aînés, ses copains, ou avec ma mère, ou avec sa sœur. Et on commence à comprendre quelque chose qui vous implique, Mais c'est que plus tard que tu commences vraiment à comprendre que cet enfant, c'est vous. Dès que tu es forcé d'affronter le monde, et on n'est pas, d'une certaine manière, si je peux m'exprimer comme celle-ci, on n'est pas né noir, ni blanc d'ailleurs. On découvre que vous êtes né avec un drôle d'histoire, avec un drôle de passé, avec un drôle de visibilité. Et donc, dans un certain danger, qu'il faut affronter chaque jour. Et donc, au début, tu comprends rien du tout. La lutte commence avant que tu comprennes quoi que ce soit. Tu commences très jeune, quand tu as à peu près 7 ans, dès que tu es, comme j'expliquais à quelqu'un l'autre jour, le garçon rentre chez lui, mettons il a 7 ans, et il demande toujours à sa mère, jamais au père, mais à sa mère, il demande, mine de rien d'ailleurs, « Maman, qu'est-ce que c'est un nègre ?» Et un silence qui suit, quand ta mère ne répond pas tout de suite. Et dans ce silence, il y a quelque chose qui arrive chez l'enfant, une espèce de terreur, une espèce de panique même, quand elle n'a pas répondu, et dès qu'elle parle, elle ne répond pas, elle dit, « Qui t'appelle comme ça, fiston ?» Et là, tu te rends compte que c'est réel. Le panique et la lutte commencent à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose dont ni ton père, ni ta mère peut te protéger. Ils attendaient cette question depuis que tu étais né. Et ça, c'est terrifiant. James Baldwin, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un nègre? Qu'est-ce que c'est un nègre? C'est surtout... d'après moi, c'est surtout... quelque chose inventé par les soi-disant blancs pour justifier la mission civilisatrice, pour justifier le fait que on m'a arraché de mon sol, qu'on a essayé de me persuader que j'étais né pour être un esclave et pour toujours. Et donc, si il faut que je sois un nègre, parce qu'on ne parle pas de faire ça à un homme ou une femme. Pour justifier un crime, on trouve une étiquette pour la victime. Voilà ce que ça veut dire d'être un nègre. Mais vous ne souhaitez pas du tout vous poser comme victime, mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Je refuse d'être victime. Vous refusez. Et on peut peut-être là enchaîner par rapport au thème du livre. Donc il y avait cet inculpé qui avait une histoire personnelle, il s'appelle Wayne Williams. Il a une histoire personnelle qui est une histoire un peu compliquée puisqu'il est né fils unique de parents qui ont attendu longtemps pour avoir un enfant, qui a été très gâté, qui a été, vous dites, il a été gâté comme beaucoup d'enfants aux États-Unis. Et dans le monde. Dans le monde. Et qui est quand même devenu un pervers puisque lui-même... il est devenu quelqu'un qui, assez vite, s'est mis un peu au banc de ce qu'on pourrait appeler la normalité. Oui, il est devenu peut-être un marginal, mais pas un pervers. Enfin, moi, je ne connais pas le type, pas du tout. Non, il était... En tout cas, il avait une grande difficulté de relation avec ses parents en particulier. Paraît-il, oui. Tout le monde était d'accord puisque là-dessous. Puisqu'il ne regardait pas ses parents pendant l'audience. Mais devant le tribunal, ça peut s'expliquer peut-être. Il avait une histoire personnelle, mais vous, ce sur quoi vous attachez dans votre livre, c'est beaucoup plus à toute l'histoire sociale que cela implique. Parce qu'il faut dire que cela se passe à Atlanta, c'est donc en Géorgie, dans le sud des États-Unis, qui d'ailleurs que vous présentez comme différent de Harlem. Peut-être vous pouvez expliquer. Oui, c'est différent de Harlem, et c'est toujours différent de Harlem d'ailleurs. Parce que, comment dirais-je, dans le nord où moi j'étais né, il y avait une distance nette avec les années. Car au début, c'était pas comme ça. Quand j'étais né à Harlem, Harlem n'était pas tout noir. C'est devenu comme ça plus tard. Mais dans le sud, les noirs et les blancs, physiquement, vivent ensemble. Vivent ensemble. Oui. Ils sont tous préoccupés par l'essor économique, pour gagner de l'argent, bien vivre. Pour vivre. Une ville qui ne veut pas s'occuper d'autre chose. Vous le dites à plusieurs reprises dans le livre. Oui, mais ça, c'est le ville trop occupée pour haïr. C'est un slogan qui commençait devant les années 50. C'était en directe réponse au mouvement de droite civique. Parce que la ville de Nantes avait déjà assez de problèmes avec le vieux et le père et le fils, Martin Luther King. Et tout autour de Nantes était en train d'être enflammé. Et le seul but de Nantes, c'était entamer et de garder l'ordre. Et il y avait très peu de manifestations à Atlanta même, oui. Pendant tout ce temps-là. Mais c'était un slogan créé par besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'autre chose. Enfin, c'est une ville qui est trop occupée pour ailleurs. Trop occupée en train de faire l'argent pour ailleurs. Parce que c'est une ville... C'est une ville de touristes, de businessmen, de compensions. Et en plus, qui était donc à l'époque de cette série de meurtres, qui se situait à quel moment exactement? En 80... 79, je crois, 80. À ce moment-là, il y avait une municipalité noire. Oui. Le juge était noir, donc le meurtrier était noir. Toute la municipalité était noire. Et oui. La municipalité était noire, et le chef de la police aussi. Oui, tout le monde. Sauf, il faut ajouter à cela que... La ville de Nantes, c'est qu'une ville, c'est pas la tête de Georgie. Bien sûr, c'est simplement la ville. Oui, non, mais je crois que c'est important de signaler cela parce que vous montrez dans votre livre comment les Noirs peuvent être pris dans tout le système de référence des Blancs et comment eux peuvent marcher là-dedans. Oui et non. C'est-à-dire on peut être pigé au fait, voyez les choses en face. On a presque pas le choix. On est pigé d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de comprendre cela, de comprendre le piège et la nature de ce piège, car il n'y a pas moyen de l'éviter. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais la ville d'Atlanta, comme n'importe quelle ville du monde, n'importe quelle ville aux États-Unis au moins, est gouvernée par l'État. Et ce n'est pas la ville d'Atlanta d'ailleurs qui a commencé le processus, mais l'État de Georgie, parmi les autres puissances, y compris le Washington. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la municipalité noire avait un pouvoir assez limité, pensez-dire. Vous me comprenez? Et le tragédie, le comédie, le drame de ces meurtres est tombé, évidemment, c'est tombé visiblement sur le dos de la municipalité noire, qui pourtant était son pouvoir. Vraiment, c'était arrivé dans leur ville, mais surtout dans l'État de Georgie. C'est pas eux qui ont commencé le drame. C'était un hasard, c'est tombé sur eux. C'est tombé sur eux, tout à fait par hasard. Mais pas ça, c'est notre hasard. Alors, qu'est-ce que vous soutenez comme thèse? Vous soutenez qu'on l'a accusé à tort, en fait? Au fait, même, oui, mais la question n'est pas là. Je demande au lecteur d'examiner avec moi les faits. C'est pas à moi, c'est pas à nous. Personne n'a prouvé quoi sûr. Que ce soit. Bien sûr. Mais l'État est responsable pour prouver la culpabilité de cette Wayne Williams. Et j'insiste que l'État n'est pas prouvé. Oui. Vous me suivez. J'ai compris. La culpabilité n'était pas prouvée. Voilà. Mais alors, disons que dans votre livre, ce que vous tenez à montrer à travers cette histoire, si j'ai bien compris, effectivement, c'est comment, d'une part, tout le monde est piégé dans cette histoire et comment on n'en sort pas. Finalement, comment vous-même, peut-être, vous n'en sortez pas de ce problème noir. Il n'y a pas moyen de sortir de ce problème noir parce que ce n'est pas un problème que moi, je n'ai pas créé ce problème. Mais je n'ai pas besoin de ces problèmes. Et je peux finalement, ça va finir un de ces jours. Mais ce serait utile, pendant même une semaine, de parler, pas de problème noir, mais de problème blanc. Parce que c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Enfin, c'est moi qui est l'objet, c'est moi qui subit. Mais vous aussi, bon gré, mal gré. Et surtout aussi longtemps que vous ne vous rendez pas compte. Parce que d'après ma vie en Amérique, mon expérience en Amérique, et aussi ici d'ailleurs, et en Angleterre, le noir, c'est quelque chose qui existe dans l'esprit des blancs. C'est assez rare quand même, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit quelqu'un qui est vraiment blanc, hein, qui prend tout ça à sérieux, est capable aussi longtemps et aussi profondément qu'il imagine, il s'imagine être noir, un blanc, je veux dire, et il est aveuglé devant le noir, parce que puisqu'il s'imagine être blanc, le noir n'existe que dans son imagination. Et il y a là une grande inégalité parce que, puisque un autre noir, et en regardant n'importe quel blanc, j'étais forcé très jeune de me rendre compte que ma vie était entre les mains. Donc, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui existe dans mon imagination, mais vous êtes un hasard quotidien. Quelqu'un qu'il faut que je trouve un moyen de survivre, de. Il faut que j'ai l'esprit plus vite que toi. Il faut que je m'échappe de vos intentions vis-à-vis moi. Donc, vous n'êtes pas du tout une créature de mon imagination comme je suis pour vous. Oui. Je suis quelqu'un qui vous fait peur, contre qui oui, vous devez vous défendre. Oui, parce que tu as le pouvoir. Et moi, il faut que je trouve un moyen de survivre ce pouvoir, d'aller au bout de mon intention avec vous, si possible, mais en dépit de vous, ouais. De toute façon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'aux États-Unis, les choses ont changé et qu'il y a une possibilité d'une meilleure survivance, si je puis dire? Oh oui, je crois. Oui, je crois. Je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. Surtout parce que, pas où, d'abord, les choses changent toujours. Ça change pas comme on est prévu, ni comme on a voulu. Et l'effet de ces changements n'est jamais ce qu'on imaginait ou espérait. Mais ça change toujours. Il faut. Et surtout chez les Noirs en Amérique, et pas uniquement en Amérique, mais je ne vais pas parler des autres. Les choses par où on a passé. Et c'est comme ça aussi que le changement arrive. A changé les gens. Qui a passé par la vie et la mort de Martin Luther King, par exemple, a changé nous tous. Des fois pour le pire, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont suicidés, des gens qui sont devenus dingues, des gens qui sont perdus à jamais. Mais on a passé par quelque chose d'énorme et on le sait. Et on ne sait pas exactement où nous sommes maintenant et qui nous sommes maintenant, mais nous ne sommes pas comme on était avant. Vous comprenez ce que je veux dire? On a d'abord, on peut dire négativement, c'est négatif qu'on n'a rien à perdre, ce qui n'est pas vrai. Mais on a passé par tellement de choses qu'on ne peut pas aller en arrière. Vous comprenez? Et notre frère, qui s'appelle Blanc, s'est forcé un jour ou l'autre de nous suivre. Car l'avenir, ce n'est pas du tout comme le passé. On va passer par des choses énormes et inimaginables, je ne vais pas discuter ça, parce que c'est vraiment inimaginable. Mais je sais que le monde est en train de changer et la panique dans le monde, c'est qu'avec ce changement inévitable et on peut rien faire pour l'empêcher, ce qu'on appelle l'identité de chacun est menacée. Et surtout chez les gens qui s'appellent blancs, parce qu'ils n'ont jamais été blancs. C'est un mensonge total. Un mensonge total pour justifier la façon de sort des Noirs. C'est pour ça que nous sommes sauvages et vous êtes civilisés. Oui. Mais c'est absolument ridicule, c'est pas vrai. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites souvent, effectivement, personne n'a jamais été blanc, personne n'a jamais été noir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre comme ça. Moi, en Afrique, que vous me trouvez, j'attendais votre arrivée avec impatience, bien sûr, pour être civilisé. Mais je n'étais pas noir, j'étais en Afrique. Oui, vous avez vu arriver le premier blanc comme un petit village en Suisse. Vous avez vu arriver, vous, un jour, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on vous a vu arriver, vous étiez le seul et premier noir, premier nègre qu'on a vu arriver, et on vous touchait les cheveux pour voir comment ils étaient crépus. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils sont arrivés dans mon village, dans le temps. Dans le temps, ils étaient arrivés pour me sauver et aussi pour faire l'argent. Avec votre découverte, je suis devenu noir pour la première fois. Et à cause de cette découverte, pour justifier justement mon esclavage, vous êtes devenu blanc. Ouais. Vous êtes devenu civilisé et moi j'étais un sauvage. Ouais. Et James Baldwin, vous avez quitté les États-Unis, vous allez maintenant en voyage et vous vivez en France. Pourquoi ? J'ai tombé en France, fort heureusement, quand j'étais assez jeune, en 48, je suis venu ici avec 40 dollars, et c'est tout, quoi. Et j'avais beaucoup de chance, quand même. J'ai commencé de me libérer, finalement, ici, parce que vous, les Français, si j'ose dire, vous êtes, je ne veux pas dire chauvin, mais... Quelqu'un qui n'est pas français existe à peine. Et pour moi, ça m'arrangeait parfaitement parce que je voulais qu'on fasse pas attention. Pas du tout. Et vous n'avez pas senti la même attitude ? Vous vous êtes senti noir ou vous vous êtes senti simplement étranger ? Je me sentais étranger. Non, je ne me suis pas senti tellement noir. Et aujourd'hui, vous avez vu arriver des Noirs en France, puisque c'est assez récent. Oui, mais... Comment ça se passe d'après vous en France aujourd'hui ? Mais j'ai vu ça il y a longtemps. Depuis que vous êtes là, disons. Oui. Ça prouve que le nouveau monde est l'issue de vieux monde, tout simplement. Que l'histoire de l'esclavage, cette aventure en Afrique, a corrompu, de ce point de vue-là, le monde occidental. Totalement. Quand maintenant vous avez votre nègre dans la métropole et dans le pays même, et maintenant vous parlez pour la première fois des immigrés. Ils ne sont pas des immigrés. La plupart étaient nés ici. Et de toute façon, même s'ils étaient des immigrés, c'est un pays des immigrés. Donc c'est hypocrite, non? C'est malhonnête. Et vous êtes, j'espère, enfin, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes plus intelligent que... Ou plus... Intelligent, ce n'est pas le mot exactement. Plus réaliste, je crois. Pour sombrer totalement dans cette histoire de racisme. Car c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Et tellement, tellement cher, du point de vue humain. Aussi pour vous comme blanche, et pour moi comme noir. Ouais. Et un peu... pire pour vous comme blanc, parce que pour me traiter d'un tel sort, pour garder le monde comme vous imaginez l'avez créé, il faut que tu vives avec tellement de mensonges et que tu évites tellement de réalité que la vie devienne d'une certaine manière insupportable. Il faut que tu te protèges contre trop de choses. Oui, James Baldwin, dans votre livre Meurtre à Atlanta, vous parlez beaucoup d'intégration et désintégration. Enfin, déségrégation, intégration. Et les deux mots sont... comment dire, nous les Noirs, sont toutes les couleurs possibles. Ma grand-mère, comme je disais à quelqu'un d'autre l'autre jour, ma grand-mère qui était une esclave, qui était née dans l'esclavage, avait 14 enfants. Et il y avait des enfants qui sortaient d'elle, blancs, et des autres qui sortaient d'elle, noirs. Dans ce cas-là, puisqu'ils sortaient tous devant de même dame, n'est-ce pas? Ceux qui sortaient blancs et devenus blancs, bon, voilà, notre carrière, notre vie, des autres possibilités. Et les autres, comme mon père, qui sortaient noirs, étaient des sales nègres. Mais puisqu'ils sont sortis devant de même dame, qu'est-ce que ça veut dire d'être noir et blanc? Qu'est-ce que ça veut dire finalement ce racisme? C'est une lâcheté superbe, tout simplement. Un moyen d'éviter la réalité. Alors vous êtes pour l'intégration? Non, c'est pour ou contre, c'est déjà fait. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Pas à ce niveau-là, pas du tout. La question vraiment est moyen d'éviter une autre question qui implique le pouvoir politique et le système économique. Car le racisme est basé là-dessous. James Baldwin, après meurtre à Atlanta, vous allez continuer votre lutte? Je n'ai pas le choix. Hein. Aussi longtemps que... Et de toute façon, ce n'est pas une lutte... C'est une lutte humaine, quoi. C'est pas spécial. C'est la lutte de tout le monde. James Baldwin, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce livre publié chez Stock, Meurtre à Atlanta. Merci. C'était Agora par Eliane Contini avec James Baldwin, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 novembre 1985. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Hey, and it's the best day ever. So pack your motherfucking bags. 'Cause we gon' go pack your motherfucking bags. We gon' go. Hey, I got a cup of Henny, joint of good. Not getting any sleep, even though I should. Catch an early flight, hit another city for a concert full of fans who be fucking with me, counting hundreds, fifties. Groupie hoes that all love to show me how they drop they booties low. Two at once, that's a menage a trois. Watch they bras come off, have me singing la-di-da. Rock and roll, living life. Getting head, get it twice. It feels like I've been drunk for the 11th night. Don't know how I'm gonna wake in time to catch this flight. All these bitches in the front row try to dress alike. They do a lot of barking but they never bite. They looking at me like I'm gonna have some sex tonight. And yes, I might if it's alright, 'cause I got what you need if you looking for a trip. Escape the world a little bit, maybe go and get a grip. This song can be your drugs, just please don't take too much. You can have it free of charge, though I do it for the love, 'cause I got what you need if you looking for a trip. Escape the world a little bit, maybe go and get a grip. This song can be your drugs, just please don't take too much. You can have it free of charge, though I do it for the love, 'cause first I take a breath, then let it out. Hear him clap a little well, then I take my bell. I'm on my job, but maybe out my mind. Got some liquor and some weed, it's about that time. Anyway, you name it, I'm entertainment, I make it. I'll admit I'm kinda famous, my life is like a vacation. 'Cause day out and day in, these hotels, days ends. Travel navigation, I switch up my location. Days go in without shaving, the road life's a bitch. But fuck it, this the good life, so for no life I switch. Got my money coming faster than these women I get into. Can't tell me how to live my life, chill fool, I've been cool. I'm the type of dude, pretty cool, kinda nice, not rude. Got some hoes who like my tunes, get front row and show their boobs. Party every night, they worry that I'll blow the fuse. But I'm way too young and don't know rules, okay. I got what you need if you looking for a trip. Escape the world a little.